Et au secours, on est tout seul aujourd'hui. Et on va passer au récap de la semaine. Pas de la semaine, du jour, de la veille. Ah là là. De vendredi 19, qui était la Sainte Emma. Oui. Souvenons-nous. Oui. Bonne fête à toutes les Emma. Bah, très bien. Bonne fête d'hier. Et ce récap a été réalisé, comme les jours précédents, par Jeanne, alias ou a.k.a. 7. Wesh. Et on lance ça. On y va. Festival Archipel. Oui, cette année, oui. Ah ouais, ouais. Pourquoi vous avez raté avant? Pardon? Pourquoi vous avez raté avant? Parce que je n'habite pas à Genève. Ah, ouais. Ça, c'est une bonne excuse alors. Voilà. Vous habitez où? À Zurich. À Zurich? Ah oui, c'est un peu loin. Oui, c'est un peu loin. Et pourquoi vous êtes venu ce soir? Parce que j'ai envie. Oui, mais si vous me connaissez pas... Thank you. Mais vas-y, viens Cyril, viens parler à la radio si tu veux. Plutôt tu es le bienvenu Cyril. Cyril ouvre la porte, ouvra la porte et il s'en alla. Et il s'en alla. Adieu. Des granolas. Oui, ouais. Des personnes intéressantes. Super. Et des boissons festives. Merci. Aidez-nous, pitié, nous sommes si seuls dans ce hall de la maison communale de Plainpalais. Nos collègues du jour ne peuvent pas nous rejoindre. Jeanne, par exemple, qui vient d'effectuer ce récap de la veille, qui était en fait surtout constitué d'un enregistrement de la performance de Arthur Chambry de samedi dernier. C'est vrai qu'on n'est pas aidé par la population genevoise ce matin. Non.